بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في باب جديد، ما دمنا في باب أو كتاب الصلاة، toujours dans le livre de la salat, dans un nouveau chapitre qui est باب أوقات النهي، les temps d'interdiction. C'est-à-dire les heures où il est interdit de faire la salat. Et ces temps sont de trois, comme ça va apparaître dans deux des hadiths, dans un troisième qui n'a pas été cité. Qui sont le premier, Salatul Fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. Le deuxième temps, c'est lorsque le soleil atteint le zénith. Et troisième, c'est après le Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Naam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والخمسون سكوتزم حديث يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مردي واردهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Donc le premier hadith qui est le 52e, le premier des deux, car tous les deux citent le même sujet, que selon Ibn Abbas, il a dit qu'il y avait chez moi des gens qui étaient agréés. Et le plus agréé d'entre eux, pour moi, c'est Omar. Ils ont cité que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire la salat après le sobh, jusqu'à ce que le soleil se lève, et après le asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Wa fil hadith al-thalith wa khamsin. 53e حديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit qu'il n'y a pas de salat après le subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et pas de salat après le asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et le troisième temps, qui est à l'heure du Doha, ou plutôt après le Doha, lorsque le soleil est au zénith, l'auteur n'a pas cité le hadith, car il n'est pas dans les hadiths qui sont muttafaqun alayh, qui sont rapportés par Bukhari et Muslim ensemble. Mais ceux qui existent sont cités par Muslim et par d'autres gens du hadith. Donc il dit, pour le premier hadith, le rapporteur c'est Abdullah ibn Abbas, dont la tarjama a été citée dans le 16e hadith. يقول موضوع الحديث بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها qui vient pour démontrer justement certains points à propos des heures interdites où il est interdit de faire la صلاة. يقول في الشرح الإجمالي du premier hadith, يعني le 52e. يحدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة موثقين وجماعة الموثقين مقبولي الشهادة من بينهم عمر بن الخطاب شاهدوا عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب. Donc Ibn Abbas, il raconte qu'un groupe de gens fiables dont le témoignage est accepté et parmi eux Omar témoigne que le Nabi صلى الله عليه وسلم a interdit de faire la salat surrogatoire après le Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève et après le Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فنهي المسلمون عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادا عن التشبه بالكافرين. Car les mécréants se prosternent pour le soleil, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le soleil, lorsque celui-ci se lève, lorsqu'il se couche. Donc il a été interdit aux musulmans de faire la salat surrogatoire à ce moment-là, pour ne pas leur ressembler, pour fermer la porte, même si leur intention n'est pas de faire cela. Ce qui prouve que ressembler aux mécréants, l'intention n'est pas requise forcément. Mais c'est l'acte qui est regardé en premier lieu. Car des gens disent « je n'ai pas l'intention de faire cela », on dit « tu n'as pas l'intention », mais ton acte amène à cela, ce que les gens te voient et pensent cela. Donc de là, les portes ont été fermées. ثم يقول من فوائد الحديث أولا تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلى أن يكون لها السبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضر جماعة بعد أدائها، فيجوز فعلها كما دل عليه أحاديث أخرى. Donc, le premier enseignement utile du hadith, c'est le côté illicite de la salat surrogatoire après celle du Fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève, et après celle du Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche, hormis pour une salat surrogatoire qui aurait une cause. Comme par exemple, Tahiyat al-Masjid, ce qu'ils appellent les deux rakats de salutation du Masjid. Ou alors pour recommencer une salat en groupe, alors qu'elle a déjà été faite. Par exemple, quelqu'un veut faire une salat jama'a, il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Et tu veux faire ça d'accord pour lui, et faire salat avec lui, tu peux la refaire, par exemple. Donc cela a été permis, comme le prouve certains hadiths. Ou quelqu'un, par exemple, qui est parti aux toilettes, qui revient, qui a fait ses ablutions, et qui a pour habitude de faire deux rakats après les ablutions. Il a le droit de le faire, lui aussi. Tamam ? Il a le droit de le faire. Ou quelqu'un qui n'a pas le temps de faire les deux rakats du Fajr, il s'est levé en retard, juste, il a eu le temps de faire le Fajr en lui-même, et après, il veut faire les deux rakats du Fajr. Il peut le rattraper après. Car ce sont des salats surrogatoires qui ont une cause. Et Thaniyan, ce hadith, comme enseignement utile, il dit « Man tashabbuh bil kuffar wa sad kull tariq al muaddiya ilayhi » qu'il est interdit de ressembler aux mécréants et également pour fermer les portes de tous les chemins qui y mènent. Par contre, on précise une chose par rapport à ces temps interdits, c'est qu'il y a le temps où l'interdiction est plus légère que d'autres. Par exemple, après le Fajr, du temps où la personne a fait salat jusqu'à ce que le soleil apparaisse, ce temps-là est détestable. Mais le temps le plus détestable, c'est le moment où le soleil se lève, au moment où il apparaît et qu'il se lève dans le ciel. Ça, c'est le moment le plus détestable encore. Et pareil également, le soleil le temps du après la Asr, c'est tout le temps où le soleil se couche, commence à redescendre. Cela est détestable. Et le pire moment, c'est le moment où le soleil commence à disparaître. C'est-à-dire où tu le vois, il commence à tomber dans l'horizon et à disparaître jusqu'au Maghreb. À ce moment-là, c'est le moment qui est encore plus le côté détestable est encore plus sévère à ce moment-là. Non. Pareil. Après, par rapport au deuxième hadith, qui est le 53e hadith, il dit « Ara'awi wa Abu Sa'id al-Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudari » Donc le rapporteur, c'est Abu Sa'id al-Khudari, dont le prénom c'est Sa'd ibn Malik, qui était Ansari. Khuzraji, radiallahu anhu, ghaza ma'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam 12 ghazwa, qu'il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 12 batailles. Awwaluha ghazwat al-Khandaq, wa kana qablaha saghiran. La première bataille qu'il a faite avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle du Khandaq, des tranchées, car avant cela, il était jeune encore. Il n'était pas en âge de combattre. Hafiza an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ilman kathira. Et il a pris beaucoup de sciences du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa kana min ulama al-ansar wa fada'ilihim tufiya sanat 74 wa dufina bil baqi' fil Madina. Il était parmi les savants de mérite des ansar et parmi les meilleurs d'entre eux. Et il est mort en 1974. Il est enterré à Al-Madina. Il est également parmi les muksirin, ceux qui rapportent beaucoup de hadiths. يقول موضوع الحديث بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. Donc ce hadith là, qui est le 53e, vient montrer certains points d'interdiction de la salat à certaines heures. يقول الشرح الإجمالي, le sens général du hadith. يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نافلة في وقتين. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a tenté de faire deux salat. Ou plutôt deux heures où les salats surrogatoires ont été interdites. Et il cita justement ce qu'on a dit auparavant. Et on précise que cette interdiction, c'est pour salat surrogatoire. Maintenant, celui qui n'a pas fait de la salat obligatoire, par exemple, il était endormi ou il a l'empêchement, il n'a pu la faire qu'à ce moment-là, alors il l'a fait à ce moment-là. Il l'a fait à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un se lève du fajr en retard. Il ouvre ses yeux au moment où le soleil se lève, en train de se lever. Ah ben il se lève, il fait ses ablutions, il fait la salat tout de suite. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est salat, il fait waqtuha il est istayqadha. Wa man nasiya hina dhakaraha. Que celui qui oublie une salat, il la fasse dès qu'il s'en rappelle. Et celui qui s'est endormi à l'heure d'une salat, qu'il la fasse dès qu'il se réveille. Il n'attend pas, il ne repose pas. Tout de suite, il l'a fait. Donc, par exemple, également le Asr, il y a eu un empêchement, il n'a pas pu la faire. Et si jamais il s'en rappelle au moment où il voit le soleil qui se couche, qui commence à disparaître de l'horizon, il la fait à ce moment-là, aussitôt. Là, les hadiths parlent des salats qui sont surrogatoires. Donc, parmi les favoris du hadith, il dit également qu'il est interdit de faire la salat surrogatoire après le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et c'est-à-dire que le soleil se lève et qu'il est légèrement dans le ciel. Ce n'est pas dès qu'il apparaît, il faut laisser un temps. D'accord ? Et comme il dit dans le hadith, Yani, Yakoud Kaï de Rome. Donc ce sont les mêmes choses qui ont été citées dans le hadith précédent, que le soleil se lève et qu'il soit légèrement dans le ciel avant de pouvoir faire la salat par la suite. Et man atashabbu bil kuffar wa sadd kull tariq muaddi ilayh, kazalik, il est interdit de faire la salat, plutôt de ressembler aux mécréants et fermer les portes qui mènent de tous les chemins qui mènent vers cela. Wa kaza. Et on a dit également le troisième temps qui est au moment où le soleil est au zénith. À ce moment-là, il n'est pas permis de faire la salat. Parce que le soleil, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus d'ombre de la personne, à ce moment-là, la salat, elle est interdite. Et dès que l'ombre commence à réapparaître, c'est-à-dire que l'heure du zohr, il est arrivé. Naam. Wa nakhtasib bi hadha al-qadr wa alhamdulillahi rabbil alamin.